me plaindrai pas des lointaines étoiles si elles étaient moins souriantes que lui. Le soleil me crame et la vie me tue, mais tout ce temps go.